Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. Le Burundi prône l'utilisation équitable de l'eau du fleuve Nil et garde sa neutralité sur le conflit opposant l'Égypte et l'Éthiopie à ce sujet. Le nouveau code minier du 4 août dernier oblige aux détenteurs de titres miniers ou carrières de contribuer au développement socio-économique des entités administratives où se concentrent leurs activités. Compte rendu de lecture de ce document et comme vous l'entendrez, certaines de ces dispositions répondent ainsi aux préoccupations des habitants de Kayanza, notamment ceux de Kabarore. Notre correspondant là-bas a recueilli leurs avis, vous les entendrez. En actualité africaine et internationale, la Somalie est en négociation pour rejoindre la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et en Inde, la fusée Chandrayaan 3 a réussi ce mercredi son atterrissage sur le pôle sud de la Lune. Voilà pour l'essentiel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le Burundi garde une position neutre sur le conflit qui oppose l'Égypte et l'Éthiopie concernant l'utilisation de l'eau du fleuve Nil. Déclaration du ministre en charge de l'environnement dans son exposé des motifs à l'Assemblée nationale. C'était sur le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord cadre sur la coopération dans le bassin du fleuve Nil. Sanctus Niragira a précisé que le Burundi prône l'utilisation raisonnable et équitable de l'eau de ce fleuve. Suivez-le dans cette traduction de Jean de Dieu Irakoze. De notre part, nous voulons que tous les 11 pays riverains de ce fleuve puissent bénéficier. Cependant, nous tenons à ce que cela puisse entrer en vigueur compte tenu du respect de l'intérêt de chaque pays. De même, nous privilégions que les pays qui partagent cette ressource continuent à explorer la voie diplomatique pour résoudre les différends pour que tous les pays tirent profit de l'utilisation de cette ressource. Nous regardons aussi le conflit entre l'Égypte et l'Éthiopie, dans lequel l'Éthiopie insiste sur la nécessité de construire le barrage hydroélectrique et l'Égypte avance qu'en faisant cela, il ne continuerait à obtenir de l'eau. Et nous voyons que sa construction ne pose pas de problème si on a déjà rempli l'eau et si elle se fait en période pluviale, de manière à respecter la vie des Égyptiens et à favoriser et la construction d'autres barrages pour la production d'énergie dans nos pays en amont du fleuve Nil et l'irrigation pour augmenter la production agricole afin de nourrir nos citoyens. Pour nous, si tout se fait de façon transparente, c'est une bonne chose. Le ministre Sanctus Niragira en charge de l'environnement. Certains habitants de la commune Kabarore en province Kayanza trouvent que les membres des coopératives d'exploitation des mines dans cette commune gagnent seuls et que le bas peuple ne profite pas beaucoup de l'argent obtenu dans la vente de ces mines. Selon eux, la population ne profitera de ces mines que si ces coopératives s'impliquent davantage dans la construction des infrastructures publiques. Suivez ce micro-trottoir réalisé par notre correspondant Kayanza, Patrick Sengiyumva. Turumva ko hari ubutare ariko nitubona neza nka twebwe batobati cyo butumariye kandi hose aho bavuganuye haba ubutare usanga harateye imbere amabara ba Nous sommes informés qu'il y a des mines mais nous ne voyons pas de l'importance pour nous le bas peuple. Là où il y a des mines à tout prix il faut qu'il y ait aussi du développement avec la construction des infrastructures publiques comme les écoles et les dispensaires. Pour moi ce qu'il faut faire c'est que les coopératives qui exploitent les mines devraient aussi penser au développement de la population pour que le bas peuple aussi gagne sur l'argent obtenu avec la vente des mines. En ce qui est de l'or, la réalité est que ne gagnent que seuls les membres des coopératives d'exploitation. Mais le bas peuple ne gagne rien. Au moins, il faut que l'État burundais s'y implique. Voyons par exemple dans cette route où passent les camions de ces coopératives, l'état dans lequel elles se trouvent. C'est vraiment déplorable et lamentable. Moi, ce que je demande, il faut qu'ils construisent des dispensaires et aménagent aussi des routes. Nous, le peuple, les mines ne nous avantagent pas. Selon moi, il faut que l'État burundais intervienne afin que la population gagne aussi sur l'argent obtenu pour la vente des mines. Voyons cette communauté. Les habitants sont pauvres alors que les mines sont extraites là-bas, pas loin d'ici. Des mines, on les extrait vraiment, mais le bas peuple ne gagne pas. Nous pensons mais politique, même les habitants devraient aussi gagner. Par exemple, les ouvriers dans les sites miniers ne sont pas payés à temps. Ils peuvent passer toute la semaine sans être payés. Et voilà, les familles ne trouvent pas facilement de quoi se nourrir, malgré que le chef du ménage a travaillé pour ça. Il faut l'intervention des uns et des autres pour influencer ces coopératives d'exploitation en ce qui est du paiement des ouvriers travaillant dans les sites miniers, qu'ils interviennent dans l'employabilité et pour le développement communautaire, qu'ils nous construisent des écoles et dispensaires. Se faire soigner dans un secteur de soins bien aménagé nous réconforte beaucoup. Des habitants de la commune Kabarore en province Kayanza, au micro de notre correspondant Patrick Nsengiyumva. Le nouveau code minier apporte une réponse à ces préoccupations de ces habitants de Kabarore, si l'on s'en tient à certaines de ses dispositions. En effet, les propriétaires des titres miniers aux carrières doivent élaborer un plan de développement communautaire en concertation avec les autorités administratives et contribuer annuellement au projet de développement socio-économique. Ce nouveau code minier du 4 août cette année, en son article 148, parle du rapatriement des devises. Compte rendu de lecture, Mireille Kanyang. Cet article 148e du nouveau code minier récemment promulgué précise que le rapatriement des devises issues de toute opération d'exportation des substances minérales par un comptoir d'achat se fait via un compte en devises ouvert à la banque centrale ou dans une banque commerciale agréée au Burundi dans les 90 jours à dater de la sortie du territoire. Le dit code ne reflète pas ce qui est de la passation des marchés publics. Pour d'autres articles de ce code du 4 août de cette année, l'on citerait l'article 66 selon lequel l'octroi d'un permis d'exploitation de grandes mines donne droit à l'État à une participation à titre de propriétaire du sous-sol au capital social de la société d'exploitation de moins 16% augmenté de 5% à chaque renouvellement pendant toute la durée de vie de la mine. On peut également parler de l'article 114 stipulant que seules les coopératives minières ou les entreprises dont l'actionnariat est 100% burundais, constitués selon la législation en vigueur, peuvent obtenir un permis d'exploitation semi-mécanisé. Quant à l'article 208 de ce code, il rappelle aux titulaires des titres miniers ou de carrière qu'ils doivent élaborer un plan de développement communautaire en concertation avec les autorités territoriales et locales. Ils sont également tenus de contribuer annuellement au projet de développement socio-économique. Les modalités de contribution devront être précisées par voie réglementaire. Et selon l'article 215 de ce code du 4 août, outre le régime fiscal de droit commun, les droits, les taxes et les redevances minières, tout exportateur est soumis au paiement des frais se rapportant à la traçabilité des minerais. Parlant de la traçabilité des minerais, l'on se rappellerait que jusqu'aujourd'hui, 57 pays sont membres de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE. 3 pays de la communauté est-africaine font partie, à savoir la Tanzanie, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Merci Mireille Kanyang. 3 projets ont été retenus parmi les 12 présentés par les jeunes entrepreneurs de la commune Mukaza en mairie de Bujumbura dans un concours de sélection des meilleurs projets organisé par le programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes qui s'est déroulé ce mardi. Ndouaye Jamin, chef d'antenne provinciale au sein du PAEJ, a indiqué que cette activité s'est déroulée dans toutes les communes de la mairie de Bujumbura et va continuer ce vendredi pour choisir les meilleurs au niveau provincial. Il lance un appel aux autres jeunes de présenter leurs projets afin que les meilleurs soient financés. Clovis Nyongourou. Certains de ceux qui ont présenté leur projet disent avoir l'intention de se développer et développer leur pays à travers la digitalisation. Notre idée qui nous a poussé de créer cette coopérative était dans le but d'amener un changement dans notre pays. C'est appelé de constater que dans notre pays, nous sommes moins développés de plus que les autres pays concernant la digitalisation. Nous avons eu l'idée alors d'amener un centre d'incubation et de formation pour créer une nouvelle génération, peut-être que d'ici 5, nous nous trouverons avoir une capacité de développer ou bien de digitaliser la plupart des services que nous rendons ici au Burundi ou bien que nous avons besoin. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes encouragés de faire l'entrepreneuriat dans l'agriculture, dans l'élevage. Donc, en résumé, je peux dire que notre projet, c'est de révéler la génération d'aimer de faire des recherches et aussi de les former dans ce qu'ils vont faire de recherche. Ndoua Jamin, chef d'antenne provinciale au CEDI PAEJ, nous raconte certains critères de sélection pour les projets à retenir. Que les critères étaient l'innovation du projet. Il était le critère de voir si le projet, l'idée est vendable, aussi voir si réellement l'étude du marché a été bien menée pour que ces produits, après la production, va être donc avoir le marché d'écoulement. L'appel que nous lançons aux jeunes qui n'ont pas participé à cette compétition et que au PAEJ, donc les portails sont ouverts pour tout jeune parce que des opportunités dans le PAEJ sont toujours là. Donc ils sont les bienvenus pour que leur projet puisse être financé par le PAEJ. Selon encore ce chef d'antenne provinciale, 5 premiers lauréats seront financés à hauteur des frais variant entre 10 millions et 8 millions au niveau provincial. Et au niveau communal, 2 seront retenus avec des appuis respectifs de 7 millions et 5 millions de francs burundais. L'Union européenne et le Burundi, partageons les valeurs qui nous rapprochent. À la troisième journée de la caravane Burundi-Union européenne, pour évaluer l'état d'avancement des projets financés par cette dernière, un match de football a été joué à Nyanganda, en commune Butezi de la province Ruyigi. Ce match opposant les réfugiés congolais et les populations hôtes vise le renforcement de la cohabitation pacifique. Une information de notre envoyé spécial Évariste Nzikoba Nyanga. Dans la suite de ce journal, plus de 400 personnes des provinces Cibitoke, Ouanza et Bujumbura autour de la RN5, la route Bujumbura-Cibitoke, réclament des indemnisations pour leurs maisons et champs détruits lors de la réhabilitation de cet axe routier. Il y a de cela 7 ans. Ce mardi, ils étaient tous rassemblés à Gianga. La société d'assurance Bicor, chargée de donner cette indemnisation, explique qu'elle a eu des problèmes liés aux listes des bénéficiaires souvent modifiées. Spécialitas Kabanyana. Ces populations qui vivent aux alentours de la RN5, la route Bujumbura-Cibitoke, et qui se comptent à 479 personnes de Nyamitanga en province Cibitoke, de Gihanga en province Bubanza et de Maranja en province Bujumbura, disent qu'ils attendent encore l'indemnisation de leur maison et de leur champ qui ont été détruits lors de la réhabilitation de la RN5 il y a 7 ans. Ce mardi, ils étaient tous rassemblés à Gihanga. Ceux des provinces de Gitega et Mwaro étaient également présents car ils réclament eux aussi indemnisation. Les représentants de l'entreprise Sogeas Atom ont précisé qu'ils ont donné ce travail à la maison d'assurance Bicor qui n'a malheureusement pas honoré ses engagements. Les représentants de Bicor ont expliqué qu'ils ont eu des problèmes liés aux listes des bénéficiaires qui ont été souvent changées et ont précisé qu'ils ont déjà donné indemnisation à 192 personnes. Un chiffre qui a été rejeté par les représentants de ces populations qui ont indiqué que seulement 151 personnes ont été indemnisées et ce sont les habitants de Kagwema seulement, comme ils l'ont précisé. Le conseiller du gouverneur chargé des finances qui dirigeait la réunion a finalement fixé une commission composée des représentants de Sogeas Atom, de Bicor, de l'administration provinciale et des représentants de ces populations ainsi que des forces de l'ordre afin d'en finir avec ce problème. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes. Et en bref, avant la chronique, une certaine opinion de la diaspora burundaise plaide pour la mise en place d'une loi régissant cette catégorie de citoyens. C'est le point de vue du chef de la diaspora en Australie, qui considère que cela permettrait de surmonter certaines divergences liées au passé. Tassian Douimana salue l'organisation de la semaine de la diaspora, ce qui pour lui contribue petit à petit au développement du pays. Et organiser la semaine dédiée à la diaspora est d'une certaine manière une occasion pour les hommes d'affaires de réaliser les domaines nécessitant un appui. Le vice-président de la diaspora burundaise indique cependant que les défis résident notamment dans le fait que certains Burundais n'ont pas encore retrouvé confiance au pays. Jean-Bercy Masemanira Kiza estime que la dite semaine contribue à rétablir au fur et à mesure cette confiance entre la diaspora et les autorités du pays. Vous saurez que cette semaine de la diaspora qui a pris fin samedi dernier à Bujumbura avait été lancée à Gitega par le président de la République sous le thème « Diaspora burundaise, ensemble avec les leaders de notre pays, unissons-nous pour le développement de notre patrie ». Et en actualité africaine et internationale, les négociations en vue de l'adhésion de la Somalie à la Communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, ont débuté ce mardi 22 août à Nairobi. Et s'ils aboutissent, la Somalie en sera le 8e pays membre, aux côtés du Burundi, du Kenya, du Rwanda, du Soudan du Sud, de la Tanzanie, de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. Ces négociations sont prévues jusqu'au 5 septembre 2023. Et ce mercredi 23 août 2023, la fusée indienne Chandrayaan 3 a atterri sur la Lune. L'Inde devient ainsi la 4e puissance spatiale à se poser sur le satellite naturel de la Terre, après les États-Unis, la Chine et la Russie. Cette mission se déroule quelques jours seulement après que la Luna 25, la première sonde à être lancée par la Russie vers la Lune depuis 1976, s'y est écrasée. Chandrayaan, lancé pour sa part il y a 6 semaines, est la plus lente fusée à avoir atteint la Lune. Les missions américaines habitées Apollo des années 1960 et 1970 y étaient parvenues en quelques jours. Sur le réseau social X, le Premier ministre indien Narendra Modi a parlé d'enjeux historiques pour le secteur spatial indien. Parle, rassure-moi. Les discours tenus par certains leaders d'opinion peuvent contenir des messages de haine et peuvent se retourner contre eux. Dans de tels cas, ils provoquent la haine au sein de la communauté. D'après Acher Nionizigiye, enseignant de leadership, cela résulte entre autres de l'ignorance des bonnes pratiques de la communication pour un leader d'opinion. Et cela peut engendrer des violences entre membres de la société. Cet expert conseille à ses responsables de songer toujours à utiliser un langage conciliateur. Francine Ndiokougaï. Les discours abaissants tenus à l'endroit de certaines personnes par des leaders d'opinion ne manquent pas de créer de mécontents. L'enseignant du leadership, Acher Nionizigiye, fait savoir qu'à un certain moment, ces derniers réagissent eux aussi en les critiquant, surtout négativement. Ce genre de discours se manifeste surtout lorsque le leader d'opinion essaie d'attaquer quelqu'un ou un groupe donné de personnes verbalement avec des propos rabaissants, dénigrants. Et que, avec ce genre de discours, il y a des gens qui sont blessés par ce qu'il a dit. Ces gens qui sont blessés réagissent d'une façon négative et qui se mettent aussi à critiquer cette personne, ce leader d'opinion, qui, d'une certaine façon, perd d'autorité à leurs yeux parce qu'il n'a pas pu communiquer d'une façon respectueuse. D'une façon non violente. Il arrive que ces leaders d'opinion prononcent de tels discours par colère ou tristesse. L'objectif, c'est juste d'exprimer sa colère. Et cela arrive si le leader ne parvient pas à maîtriser ses émotions et son état émotionnel. Mais il peut aussi arriver que le leader d'opinion prononce des discours qui peuvent semer la haine parce qu'il n'est pas au courant de la bonne façon de communiquer. Il est ignorant des bonnes pratiques de la communication pour un leader d'opinion. Bon, dans ce cas-là, l'objectif c'est de communiquer, mais ça va aussi produire d'autres résultats qui n'étaient pas peut-être dans ses pensées. Le troisième objectif, c'est de se montrer comme une bonne personne aux yeux de ceux qui l'écoutent, en blâmant les autres, en accusant les autres. Acher Nionizigiye indique que les gens sont touchés émotionnellement et que malheureusement, c'est la haine qui s'installe au sein des groupes. Les gens qui ont vécu dans des crises de violence de masse ont des blessures émotionnelles qu'ils vivent avec. Et lorsque ils entendent des discours qui sont dans le sens de rabaisser un individu ou un groupe de personnes, leurs émotions peuvent être provoquées et la haine peut en être le résultat. Et parfois, dépendamment du message qui a été communiqué, même la violence physique peut entrer dedans. Bon, évidemment, avant la violence physique, il y aura toujours la violence verbale. Certains peuvent reprendre ce que le leader est en train de dire et commencer aussi à attaquer d'autres personnes avec les mêmes paroles, ce qui envenime les relations, ce qui crée un climat de méfiance. Pour cet enseignant du leadership, langage des leaders d'opinion devrait être conciliateur, celui qui permet à chaque individu de se sentir utile pour bâtir un même avenir. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Ne tournez pas le bouton. Les programmes sur Radio Isanganiro continuent.